Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 86. De la rémission des péchés mortels. La pénitence remet tous les péchés. Aucun péché mortel n'est remis sans elle. Elle ne remet point un péché mortel sans les autres. Peine temporelle qui reste après le péché pardonné, ce que l'on appelle les restes du péché. Comment la rémission de la faute est l'effet de la pénitence? 1. La pénitence remet-elle tous les péchés? En quelques jours que l'impie fasse pénitence, a dit le Seigneur, je ne me souviendrai plus des iniquités qu'il aura commises. Ézéchiel 18, 22. S'il y avait des péchés qui ne pussent être remis par la pénitence, ce serait, ou parce que l'homme ne pourrait pas en faire pénitence, ou parce que la pénitence ne pourrait les effacer. Dire qu'il y a sur la terre des péchés dont on ne peut faire pénitence, ce serait une grave erreur, on détruirait le libre arbitre, pour assimiler l'homme, voyageur ici-bas, aux démons et aux damnés de l'enfer, on nierait la vertu de la grâce, qui peut porter à la pénitence le cœur de tous les pécheurs, conformément à cette parole, le cœur du roi est dans la main du Seigneur, qui le tournera partout où il voudra. Proverbe 21, 1. Soutenir qu'il y a des péchés qui ne sauraient être remis par une vraie pénitence, ce serait pareillement une aberration, qui répugnerait, en premier lieu, à la miséricorde de Dieu, dont il est dit, le Seigneur est bon, compatissant, patient, sa miséricorde surpasse toute la malice des hommes. Joël 12, 13. Dieu serait en quelque sorte vaincu par l'homme, si l'homme voulait effacer un péché que Dieu ne voulut pas effacer. En second lieu, cela dérogerait à la vertu de la passion du Christ, par laquelle la pénitence agit, comme les autres sacrements, car il est écrit, le Christ est lui-même victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 2. Il faut donc admettre purement et simplement que tout péché, sur cette terre, peut être remis par la pénitence. Note. Ésaü, auquel s'appliquent ces paroles, il ne trouva pas lieu à la pénitence qu'il cherchait avec larmes, Hébreu 12, 17, n'avait pas une vraie pénitence. Ce qu'il disait le prouve, le temps de la mort de mon père viendra, et je tuerai mon frère Jacob. Genèse 27, 41. Antiochus, dont nous lisons, ce scélérat priait le Seigneur, de qui il ne devait pas obtenir miséricorde. 2. Maccabée 9, 13, n'était pas non plus un vrai pénitent, il regrettait son crime pour la maladie dont il souffrait, et non pas pour l'offense de Dieu. Quant au péché contre le Saint-Esprit, on peut voir ce que nous en avons dit dans la seconde partie, tome 3 question 14. Il consiste, d'après saint Augustin, dans l'impénitence finale, laquelle est irrémissible, puisqu'il n'y a point de rémission dans l'autre monde. Fin de la note. 2. Le péché mortel peut-il être remis sans la pénitence? Sans la pénitence considérée comme vertu, le péché actuel et mortel n'est jamais remis, la volonté de l'homme, qui s'est séparé de Dieu pour s'attacher à un bien périssable, doit, pour obtenir la rémission de sa faute, se retourner vers Dieu avec la détestation du péché qu'elle a commis et le ferme propos de s'en corriger, ce qui est précisément l'œuvre de la vertu de pénitence. La réception du sacrement de pénitence, qui s'accomplit par le ministère du prêtre, n'est pas toujours nécessaire au pardon des péchés. Dieu peut les remettre sans le rite sacramentel, comme notre Seigneur les remit à la femme adultère et à la femme pécheresse, qu'il amena, dit saint Grégoire, par sa grâce à la pénitence intérieure, avant d'étendre extérieurement sur elle sa miséricorde. Note. La vertu de pénitence, pour être efficace, implique au moins le vœu du sacrement. Le Concile de Trente l'enseigne très clairement dans sa 14e session, bien que la contrition, dit-il, soit quelquefois parfaite par la charité qu'elle réconcilie l'homme avec Dieu. On ne doit pas cependant attribuer cette réconciliation à la contrition elle-même, séparée du vœu du sacrement. Saint Thomas enseigne la même doctrine, on peut s'en convaincre par l'article 5e de la question 84, et par l'article 6e de celle-ci. Fin de la note. 3. La pénitence peut-elle remettre un péché mortel sans un autre? Non. D'abord, la grâce sanctifiante seule remet le péché, et tout péché mortel l'exclut du cœur de l'homme. Ensuite, la vraie pénitence, qui fait quitter un péché mortel à cause de Dieu aimé par-dessus tout, doit nécessairement porter à détester tous les autres, puisqu'il n'en est pas un seul qui ne soit contre Dieu. Se repentir de quelques-uns et conserver de l'attachement pour les autres, ce n'est pas être véritablement pénitent. Enfin, la miséricorde divine, dont les œuvres sont parfaites, n'admet pas le pardon partiel des péchés mortels. Si Dieu prend pitié d'un homme, sa commisération n'a ni partage ni réserve. Note. Il n'en est pas des offenses comme des dettes pécuniaires, contraires à l'amitié, elles ne se remettent pas les unes sans les autres. Il serait ridicule de demander, même à un homme, pardon d'une offense et non d'une autre. Fin de la note. 4. Après le péché pardonné, reste-t-il quelque peine à subir? Quand David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur », le prophète répondit, « Le Seigneur vous pardonne, mais, parce que vous avez fait blasphémer les ennemis de Dieu, le Fils qui vous est né mourra. » 2. Rois 12, 13. C'est une preuve que la rémission de la faute ne détruit pas par elle-même toute la peine. On peut distinguer dans le péché mortel l'éloignement de Dieu et l'attachement désordonné au bien passager. L'éloignement du bien immuable fait encourir la peine éternelle, et l'attachement au bien périssable, la peine temporelle, comme on le voit par les péchés véniels. La grâce, unissant l'homme à son auteur par la rémission de la faute, détruit l'éloignement de Dieu, et par cela même la peine éternelle, mais, n'anéantissant pas toujours l'attachement désordonné au bien créé, elle n'enlève pas nécessairement la peine temporelle. Note. L'homme reçoit, dans la pénitence, la vertu de la passion en proportion de ses actes, qui sont la matière du sacrement, comme l'eau est la matière du baptême. La peine est remise par l'ensemble de tous ceux qui complètent la pénitence, mais non pas toujours par le premier acte qui obtient la rémission de la faute. Fin de la note. 5. La rémission de la faute détruit-elle les restes du péché? La faute remise, il peut se trouver encore dans l'âme certaines inclinations que l'attachement aux créatures y a déposées, et c'est ce qu'on appelle les restes du péché. Elles sont affaiblies, sans doute, elles ne règnent plus en souveraine sur l'homme, mais elles se font encore sentir, non comme habitude, mais comme disposition. C'est en quelque sorte la concupiscence après le baptême. Note. Notre Seigneur ne guérit pas toujours les âmes subitement, comme il fit à l'égard de la belle-mère de Saint-Pierre, qui se leva aussitôt pour le servir. Il les guérit parfois successivement, comme l'aveugle, qui reçut d'abord imparfaitement la vue, et qui disait, « Je vois marcher des hommes qui me paraissent comme des arbres. » Marc 8, 24. Fin de la note. 6. La rémission de la faute est-elle l'effet de la pénitence? De même que, dans le baptême, la rémission de la faute s'opère par la vertu de la matière et de la forme, mais surtout par celle de la forme, qui donne à l'eau son efficacité. Ainsi, dans la pénitence, elle est produite par une double vertu, principalement par le pouvoir des clés de l'Église, d'où le sacrement tire sa forme, et, secondairement, par les actes du pénitent, rapportés de quelque manière aux clés de l'Église. D'après ces principes, la rémission de la faute est l'effet de la vertu de pénitence et surtout du sacrement de pénitence. Note. Dans la justification du pécheur, la rémission de la faute ne s'opère jamais sans un acte de la vertu de pénitence, lequel comprend un acte de foi formé par la charité. Mais ces deux actes sont produits par la grâce opérante, simultanément avec la rémission même des péchés. Dans tous les cas, la pénitence, soit comme vertu, soit comme sacrement, remet le péché par la passion du Christ, avec laquelle elle se met en rapport par la foi et par la soumission aux clés de l'Église. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.